J'aimerais toucher le ciel, mais je peux pas m'envoler. Mieux seul, pas de lune de miel, femme, j'ai le cœur gelé. Laisse-moi sans nouvelles et avec je ferai. Je prends le soleil sur la corniche dans mon cabriolet. J'ai des potes qui ont grandi derrière les barbelés. La rue leur joue des tours et les ensorceler. Je vois que tu te prends la tête, suffisait de m'appeler. Au pire, on serait engueulé. Je fais des tours et des détours. On m'appelle, je fais le tour. On m'appelle, je fais le tour. Moi je veux vivre dans les îles, je veux la chance quand je la désire. Faire tout ce qui me ferait plaisir. Moi je veux vivre dans les îles, je veux la chance quand je la désire. Faire tout ce qui me ferait plaisir. J'ai pas tourné la page, j'ai juste changé de livre. Je ne pense plus à toi, tu vas pas me rendre ivre. Je travaille tellement que je n'ai plus le temps de vivre. Je me fais discret, c'est rien, pour l'instant je me prive. Ils t'ont dit du mal sur moi, mais qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je réponds même pas car moi c'est le sommet que je vise. Je trie les faux autour de moi, toujours en survêtement de foot. Si je fais ça c'est pour moi, ce qu'ils pensent les gens je m'en fous. Je fais des tours et des détours, on m'appelle je fais le tour. Je fais des tours. Je veux vivre dans les îles, je veux la chance quand je la désire. Faire tout ce qui me ferait plaisir. Moi je veux vivre dans les îles, je veux la chance quand je la désire. Faire tout ce qui me ferait plaisir. Je fais des tours et des détours. On m'appelle, je fais le tour. Je fais des tours et des détours. On m'appelle, je fais le tour. Moi je veux vivre dans les îles, je veux la chance quand je la désire. Faire tout ce qui me ferait plaisir. Moi je veux vivre dans les îles, je veux la chance quand je la désire. Faire tout ce qui me ferait plaisir.